بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم المبادئ المفيدة في التوحيد والفقه والعقيدة لفضل profitable dans le توحيد la jurisprudence et la aqida par notre humble cheikh يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. Traduit et commenté par Abu Taymiyyah Khalil al-Mutaniki حفظه الله تعالى. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعم، aujourd'hui on va prendre une مسألة واحدة وهي الواحدة والثلاثون أو الثلاثون. La 30e mas'ala. Cette mas'ala, elle est très importante. Elle a un lien avec l'alliance et le désaveu en religion. Car l'amour en islam n'est que pour Allah et pour son messager. Que Allah et son messager soient plus aimés auprès de la personne que quiconque. Même plus que ses pères, ses mères, ses enfants. Car l'un des piliers de l'ibada, c'est l'amour. Donc cet amour doit être en Allah, et pour Allah, et pour son messager, sallallahu alayhi wa sallam. D'aimer ce que Allah aime, de détester ce que Allah déteste, d'aimer ce que son messager aime, et détester ce que son messager déteste. Et tout ce qui va autour. Et cette mas'ala elle-même a un point, un lien important avec ce qui s'est passé ces derniers jours en France comme événement, dans ces affaires de caricature de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nas'alallah yal'ana man rasama wa sta'zahbi. Et que tous ces événements qui ont eu lieu, qui ont plongé les musulmans dans la confusion. Parmi eux sont apparus les munafiqoun, et parmi eux se sont fait avoir les juhal, les ignorants. Wa thabata man thabat, wa la yathbut illa man thabatahu Allah. Ils sont restés fermes ceux qui sont restés fermes, et ceux restent fermes ceux que Allah a rendu fermes. يعني السلفيون على البصيرة السلفي sur la clairvoyance وأصحاب الغيرة حتى من غير السلفيين من ثبت même parmi autres que salafi des muslims qui sont une bonne fitra sont restés fermes et ont blâmé cet acte et n'ont pas cautionné ni contribué à la défense de ces criminels. Je parle des ceux qui ont fait les caricatures. Naam. Donc nous le répétons par rapport à ces actes qui ont eu lieu, qu'il s'agisse de cette histoire de Charlie Hebdo ou autre, que les actes de terrorisme, les attentats et les tueries sont des actes qui sont blâmés en islam. Cela n'est pas permis. D'accord ? Rentrer les actes, les attentats suicides, quelqu'un il vient avec une bombe, il se fait exploser au milieu des gens, ou il vient et tue des gens comme cela, de sang-froid. Quelle qu'en soit la cause, en islam, cela n'est pas permis, venant d'une personne d'elle-même. C'est-à-dire, les actes terroristes sont blâmés en islam. نتبرأ إلى الله من هذه الأعماليات. ولكن هذا ليس مما يدفعنا إلى أن نميل إلى الجانب الثاني. Il ne faut pas non plus que cela, ce blâme, nous fasse pencher de l'autre côté de la balance et nous mettre à cautionner et à défendre ceux qui auraient commis une offense envers la religion. Comme ces gens qui auraient, les gens du Charlie Hebdo, ces criminels qui ont osé blasphémer la religion de l'islam par différentes représentations, et parmi elles, la plus grave, celle qui est celle de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, pareillement, cet acte suscite la révolte dans le cœur de chaque musulman qui aime Allah et son messager plus que tout. Tu prendrais une personne normale, tu insultes la personne qu'il aime le plus au monde. Et tu l'offenses. Il est certain qu'il réagirait, qu'il n'aimerait pas ça. Combien voit-on de jeunes qui se battent, voire même arriver à se tuer, pour l'insulte envers leur mère? Il y en a un qui traite la mère d'un tel de prostituée. Et ainsi de suite. Cela amène à des conflits. Ou même, plus bas que les parents, certains pour des équipes de football viennent à se frapper. Tu insultes son joueur de foot préféré, il te frappe. Tu insultes son chanteur préféré, il te frappe. Tu insultes une chose qui lui tient à cœur, il te frappe. Il s'énerve. Au minimum, il s'énerve. Il n'accepte pas cela. Certains même pour leur chien. Leurs alliances et des aveux sont bâtis sur leur chien. Car ils aiment leur chien plus que presque tout au monde. Ou leur copine, ou leur copain. Et ainsi de suite. Voire même des fois pour des jeux vidéo, ce genre de choses. Des choses complètement futiles. Des gens entrent en guerre. Alors que dire du musulman qui lui a pour aqidah de n'aimer que pour Allah et de ne détester que pour Allah et savoir que la meilleure des créatures et la plus aimée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc comment peux-tu rester inerte et rester à défendre ceux qui l'ont offensé, qui l'ont insulté? Cela n'est pas possible. Nous ne disons pas qu'il faut aller manifester, ce n'est pas permis. Qu'il faut aller se révolter, cela n'est pas permis. Qu'il faut aller tuer les auteurs de ces actes, cela n'est pas permis de la sorte. Mais au minimum dans son cœur, il n'agrée pas cela, et ne participe pas à ces gens-là, et ne les défend pas, et ne fait pas leur éloge, et ne va pas faire des slogans « Je suis Charlie ». Jamais. Cela lui est inacceptable. Quand bien même cet acte n'était pas arrivé au fait d'insulter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on n'a pas à dire « Je suis Charlie ». Tu n'as pas à t'aller au koufar. « Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu adawi wa adawakum awliya'a. » Oh vous qui avez cru, ne prenez pas mon ennemi ainsi que le vôtre comme allié. « Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu al-yahudu wal-nasara awliya'a ba'duhum awliya'a ou ba'd. » Oh vous qui avez cru, ne prenez pas les juifs et les chrétiens comme alliés, alors qu'ils sont alliés les uns aux autres. Et les versets sont très nombreux. Les versets sont très nombreux en cela. Cela n'est pas possible. Donc on n'a ni à pleurer sur le sort de ces criminels. On n'a pas peur sur leur sort. Et ce qui leur est arrivé est une chose, la conséquence de leurs actes. Ils n'avaient qu'à réfléchir à ce qu'ils faisaient. C'est comme quelqu'un qui vient demain, qui provoque un autre. S'il en subit des mauvaises conséquences, on dira tu l'as cherché. On ne dit pas qu'on conscient ce qui t'est arrivé, mais on dira tu l'as provoqué. Quand on joue avec le feu, on se brûle. Celui qui joue avec le feu se brûle. Ça, c'est une parole qui est connue même chez les koufars. Quand quelqu'un vient devant une maison, te met une pancarte pour te dire chien méchant. Attention, chien de garde méchant. Toi, tu rentres par-dessus la barrière et le chien te mord. Après, tu vas te plaindre. On t'a averti, il y a un chien méchant dans cette maison, ne rentre pas. Tu es rentré, tu t'es fait mordre. Résultat. Est-ce que maintenant on va blâmer le maître de ce chien? Tu es rentré dans sa propriété, sans son autorisation. Il t'a averti qu'il y a un chien méchant à l'intérieur, un chien de garde. Toi, tu rentres quand même et le chien t'attaque et te mord. Est-ce qu'ensuite, il est permis de rentrer à l'hôpital et de dire, d'aller blâmer le chien qui t'a mordu? Et de dire, ce chien, c'est un criminel ou je ne sais quoi. À la base, c'est un chien, de toute façon. Donc, il n'a même pas d'acle. Tu as été averti. Ne fais pas cela. Tu l'as quand même fait au détriment du danger que tu courais. Ensuite, assume les conséquences de tes actes. Demain, on viendrait aller s'en prendre, j'en sais rien moi, à une divinité des bouddhistes. Il faut s'attendre à ce que les bouddhistes réagissent. Et récidivent. Donc celui qui fait ça, il s'attend à ce qu'il y ait des conséquences derrière. Il ne fait pas comme si c'était un scandale, je me suis juste exprimé, j'ai juste fait ceci et cela. On t'a dit, à la base, t'as pas à le faire. Même le musulman n'insulte pas les divinités des autres, justement comme dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala le dit bien, de peur que cela menace qu'eux, ils insultent Allah. Pour une maslaha, tu n'insultes pas leur divinité, pour ne pas qu'eux, par la suite, récidivent. Car on sait que les gens vont récidiver. Cela est automatique. Donc ces actes qui ont eu lieu, dans les deux sortes, sont blâmés. Mais notre haine est plus grande pour ceux qui auront dessiné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car déjà, ce sont des koufars à la base. On n'a pas à les aimer, ce sont des koufars. Oulaikahum sharrul bariyya. Ceux-là sont les pires des créatures. Deuxièmement, des harbiyoun, des gens qui combattent l'islam ouvertement. Donc ce qui fait que notre animosité, notre haine est encore plus grande envers eux. Et on ne sait même pas qui sont les réels criminels. Car ces koufars sont tellement des comploteurs, on ne sait même pas si vraiment ces deux frères prétendus sont vraiment les criminels, sont vraiment des gens comme ils disent. On ne sait pas. Ces gens-là sont des menteurs. Et leur complot est connu. Qu'ils veulent s'en prendre à l'islam. Ils ont fait cela volontairement afin de susciter la haine dans le cœur des gens contre les musulmans en France. Et on voit les résultats aujourd'hui. Que maintenant que tu sois, tu es un musulman, tu es mal vu. Tu es un terroriste. Tu es un criminel. Tu es un barbare. Tu es un vandale. Tu es je ne sais quoi. C'était ça leur but. Et malheureusement, justement, les gens qui n'ont pas de clairvoyance et pas de science se sont fait duper. Ils sont tombés dans le panneau. Et c'est ça qu'ils voulaient. Pouvoir ensuite prétexter le fait de rentrer dans les pays d'islam et faire des guerres, soi-disant au nom de la justice. Demain, on aurait fait une caricature, ou je ne sais quoi, d'un juif. On parle pas d'un prophète, parce que prophète, on n'a pas le droit. Les prophètes, on les aime tous, nous, on ne fait pas de caricature des prophètes, cela est du kouf, comme cela va venir maintenant dans le Ders. Cela est du kouf. Mais on aurait pris juste l'une de leurs têtes, un simple être humain normal, parmi leurs rabbins ou parmi leurs représentants, et on l'aurait offensé, insulté, vous auriez vu les problèmes tout de suite. Cependant, là, demain, des gens font une caricature d'un prophète, le plus noble des prophètes, et cela est normal. Liberté d'expression, comme on dit. On doit se taire, on ne doit rien dire. Cela est une humiliation vers les musulmans. Pourquoi ? Pour leur faiblesse dans leur religion actuellement. Pour leur faiblesse dans leur religion actuellement, les savants le disent bien. Ce qui arrive là, c'est les conséquences de notre faiblesse. On aurait été fort. Ils n'auraient jamais osé, ne serait-ce que le petit doigt du prophète Mohammed, ils ne l'auraient même pas représenté. Ni même le P du mot pédophile, ils ne l'auraient même pas prononcé. Jamais ils auraient osé faire ça. Pour la crainte que les musulmans auraient mis dans leur cœur. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela est venu parmi ses particularités, que ses ennemis ont peur de lui, ne serait-ce qu'une distance de un mois de marche. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam inspire la peur dans le cœur de ses ennemis. Le musulman toujours en présent, à la base de kafir et de la peur du musulman. C'est pour ça qu'il le combat également. Cependant, aujourd'hui, ils se permettent de faire des choses du fait qu'ils savent la faiblesse qu'il y a aujourd'hui chez les musulmans, dans leurs états, dans leurs forces, et ainsi de suite. Qu'ils ne sont pas soudés, qu'ils ne sont pas unis, qu'ils divergent. Donc, pour revenir au sujet du Ders, qui est aujourd'hui, Al-Masala Salathun, Qal Eshir, Hafizallahu Ta'ala, فإذا قيل لك ما حكم سب الله وسب رسوله وسب دينه أو الاستهزاء بذلك أو الاستهزاء بذلك. Donc il dit, si on te dit quel est le jugement sur le fait d'insulter Allah ou son messager ou sa religion ou de se moquer de cela. فقول هذا كفر أكبر من تعمد ذلك خرج من الملة من ملة الإسلام والدليل قول الله تعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Ceci de la mécréance majeure. Kufr Akbar. Quiconque le fait volontairement sort de l'islam. Et là, comment cela, la parole d'Allah dans le sens où il dit est-ce d'Allah, de ses signes, de son messager, que vous vous moquez? Ne vous excusez pas, vous êtes certes devenu mécréant après avoir eu la foi. Et là, cette mas'ala s'adresse à qui? Au muslim, à la base. Celui qui se dit muslim et qui se met à insulter la religion. Qui se met à insulter Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Alors que dire à celui qui est un kafir d'origine? Cela sort le muslim de l'islam. Et les moqueries en religion en toutes sortes. Les moqueries en religion en toutes sortes. Que tu te moques ne serait-ce que du siwak. Du siwak. Cela te sort de la religion. هذا من نواقض الإسلام المتفق عليها. Cela fait partie des annulatifs de l'islam sur lesquels il y a unanimité. Se moquer d'un musulman pour le port de la sunna, pour sa barbe, pour son camis, une sœur, pour son voile, pour sa prosternation, pour différentes choses, pour la religion qu'il porte, ne serait-ce qu'une chose qui ne soit même pas forcément en grande apparence, cela fait amène à sortir de la religion. Alors que dire d'un kafir qui lui carrément se moque du prophète sallallahu alayhi wa sallam ouvertement et en fait sa caricature sur des journaux et revendique cela et s'en dit fier. Donc de là le shir, également nous disons que le fait de se moquer du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cela inclut le fait de se moquer de tous les prophètes. La nufarriku bayna ahadin min rusuli. Pas de différence entre aucun de ces messagers. Tout prophète vers qui on viendra se moquer, un musulman viendra se moquer de n'importe quel prophète, cela le sortirait de la religion. Qu'il s'agisse de Isa alayhi salam, de Moussa alayhi salam, de Ibrahim alayhi salam, de Nour, de Daoud, Suleyman, min ayy nabi min anbiya wa min ayy rusul min rusul, alayhi salam, faqad kafar. Ou même qui viendra se moquer d'une chose confirmée par la religion, quand bien même abrogée, également. Même parmi les rites des religions, des communautés antérieures, il viendra se moquer d'eux, d'une chose confirmée par l'islam, que cela a été, leur a été légiféré, venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, هذا يعتبر من استهزاء بالدين ولو لم يكن مشروعا لنا. Ensuite, le shir, lui, à part, fut interrogé par rapport à cette mas'ala dans son majmou al-fatawa, Kenz al-Thamin. Donc la question est approximativement par rapport au fait, est-ce que celui qui insulte Allah ou son messager ou sa religion de façon involontaire, est-ce que le jugement s'applique sur lui? Et le chien a répondu en donnant de plusieurs adilèques cela, lui l'a bien précisé dans cette masala, volontairement. Le fait de le faire volontairement, car cela peut arriver par exemple dans une colère furieuse, qu'une personne entre dans une colère furieuse, ou une joie incontrôlable qui l'amène à dire des paroles, comme ce hadith de cet homme qui fut perdu dans une contrée aride, et que sa monture s'en est allée avec ses boissons, sa boisson, sa nourriture, et qu'il a attendu la mort. Lorsque ceci revint, il dit, par la grande joie qu'il ressentit, il dit, oh Allah, tu es mon serviteur, et je suis ton Seigneur. Hein? Allahumma, anta abdi ana rabbuk. Cette parole-là est du kufr en apparence. Cependant, lui, cette parole-là est sortie de sa bouche involontairement. Ou également, al-ikrah, sous la contrainte. Des personnes peuvent être amenées à dire des paroles comme cela sous la contrainte. Comme cela est déjà vu de la parole d'un sahabi, qui a été pris et torturé par les mouchriquins jusqu'à ce qu'il insulte le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et le messager, et après il est parti le voir pour lui dire. Le messager a dit, qu'est-ce que tu ressentis? Il dit, al-iman. Il dit, faïze a'adou fa'a'oud. S'il recommence, recommence toi aussi. Car c'est de l'ikrah. Ça, ce sont des règles qui font exception à la règle. Des situations qui font exception à la règle. Également, cela peut arriver de façon inattendue. Des mauvaises paroles peuvent sortir de la bouche de la personne de façon inattendue. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لست أخشى عليكم الخطأ وإنما أخشى عليكم العمد. Quand il dit que seulement je ne crains pas sur vous, je ne crains pas sur vous l'erreur, je crains seulement pour vous ce qui est délibéré. Et parmi les preuves de l'ikrah, قال الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكلها وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم عذاب من الله ولهم عذاب عظيم. Et que celui qui mécroit en Allah après que la foi lui fut parvenue, hormis celui qui aurait été contraint alors que son cœur est apaisé par la foi, cependant celui qui le fait volontairement et qui s'en réjouit, ceux-là auront la colère d'Allah et ceux-là auront un dur châtiment. وقال الله تعالى pour les erreurs, les choses qui arrivent par erreur, par oubli. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Il dit, ô Seigneur, ne nous reprends pas pour ce que nous avons oublié, ou ce sur quoi nous nous sommes trompés. C'est-à-dire, une erreur involontaire. Donc de là, j'aimerais citer d'autres fatawa de ulama de la umma, min al-mu'asirin, walau katoufou, nasallahu yarhamahum, des savants contemporains, bien que décédés, sur le fait, le jugement de celui qui insulte quelque chose de la religion. Il a la fatwa de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Lorsqu'il fut interrogé, ces fatwa, je n'ai pas forcément les références, je les ai pris sur Al-Ulum, dans le sujet qui est relatif à, le poste relatif à ce sujet. Lorsqu'il dit, ma hukm man saba Allah aw saba rasulah wa nkassahuma. Ma hukm man jahada shay'an mimma awjab Allah. Tayyib. Là, en fait, la question est en deux parties. C'est quel est le jugement de celui qui insulte Allah, ou son messager, ou qui réduit de leur rang. Il dit, rahimahullah ta'ala, que toute personne, traduit directement par gain de temps, souci de gain de temps, toute personne qui aurait insulté Allah, subhanahu wa ta'ala, parmi tout genre, toute forme d'insulte, ainsi que son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que cela, ou qu'il insulte l'islam, ou qu'il réduit de leur rang, ou se moque d'Allah, de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, celui-là, c'est un kafir. Un apostat. Là, il vise la personne qui était parmi les gens de l'islam. Hein? Bien même s'il prétend l'islam, cela le fait sortir de l'islam. Et il cita, cela dit, ijma. Il y a unanimité des mots sémites sur cela. Que celui qui amène à insulter Allah, son messager ou sa religion, sera sorti de la religion. Et c'était le même verset que le shir, قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ الْآيَةِ, sur la moquerie. Ensuite, il cita que Shir al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, a un passage dans son livre, As-Sarim al-Masloul, yani traduit par l'épée des Guinées, se rapportant au règne de celui qui insulte Allah ou son messager. Quelles en sont les sentences? Quelles en sont les conséquences? Également une fatwa, également celui qui amène à cela, les ulama disent qu'il meurt murtad, qu'il meurt en tant qu'apostat, il faut l'exécuter. Sa sentence, c'est l'exécution, la peine de mort. Et cela par décret du gouverneur. Cela ne revient pas tout à chacun de venir et d'aller exécuter une personne comme ça de sa tête. Cela par décret du gouverneur. Sinon, cela amènerait au désordre. Chacun fait ce qu'il veut. Tout ce qui touche aux peines, aux sentences, cela revient au détenteur du pouvoir. Notre religion est structurée, organisée, et ce n'est pas l'anarchie. Tout le monde fait ce qu'il veut. Ensuite, également, il fait interroger à propos de la Tawba, de celui qui sera amené à insulter Allah ou son messager ou autre. Il dit « Ma hukm al-shal'i fi rajul sabba ad-din wa 'indama qulna lahu bi annaka kharajta min al-islam qala bi anna dhalika fi sa'atin ghadab la talumuni hal law min tawba. » Donc il demande par rapport au jugement légiféré d'une personne qui aurait insulté Allah et à qui on aurait dit que cela lui aura coûté d'être sorti de l'islam. Il dirait: j'ai dit cela sous la colère, ne me blâmez pas. Est-ce que cet homme a droit au repentir? Tawba. Il dit que des savants disent qu'il n'y a pas de Tawba pour lui, pour celui qui aura insulté la religion, et qu'il mérite d'être exécuté. Mais cependant, lui, il est d'avis que s'il fait Tawba d'une vraie Tawba, alors cela peut être accepté. Là, on parle de la religion. Par contre, il dit également, par contre, mais qu'il fasse Tawba, il n'y a pas de mal à ce que le gouverneur lui fasse subir une peine en guise de réprimande pour ne pas qu'il recommence et pour dissuader les autres de tomber dans la même erreur. Comme de la prison, comme une expulsion ou comme une flagellation ou autre. Parmi les choses qui amèneraient à lui faire payer son acte. Auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa tawba pourrait être acceptée s'il est sincère. Cependant, pas de mal, il voit que cela même est un bien que de lui faire subir une sentence pour cela. Hein, en vue de dissuasion pour les autres. Maintenant, les ulama disent quoi? Celui qui insulte le messager, sallallahu alayhi wa sallam, lui, quoi qu'il en soit, doit être exécuté, même s'il fait tawba. Car là, il y a un droit du messager, et ce droit-là ne sera rendu que yom al-qiyam. Il n'est pas rendu en ce bas monde. Donc lui, même s'il fait tawba, il est exécuté. Pour avoir insulté le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il mérite la peine de mort. Ensuite, une fatwa de Cheikh Al-Faymin, également, il dit « Ma hukm sabbat din al-islami » Le fait d'insulter la religion. Il dit « Celui qui insulte la religion a mécru. » Car cela revient à insulter le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et insulter Allah. Car cette religion a été propagée par le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, par décret d'Allah. Donc cela revient à insulter les trois. La religion, le messager, ainsi que le créateur des mondes. Donc cela est de la mécréance. Cela amène à diffamer la hikmah d'Allah, à remettre en cause sa hikmah et sa science. Naam. Donc lui, celui qui agit de la sorte, aura mécru et sort de la religion. Ensuite ici, une autre fatwa de Cheikh Mohamed Aman Jami, rahimahullah ta'ala, dans la 28e cassette de Al-Dawa Salafia, qui est la 28e question. Il fut interrogé également, ma hukm man sab Allah subhanahu wa ta'ala wa sab ad-din wa sab ar-rasul alayhi salatu wa salam ma at-tafsil haythu anna hunaka fatwa bi anna man sab Allah wa in kar takarrara minhu dhalika bi istimrar talama annahu yusalli fa huwa fasik wa laysa bi kafir. Donc il faut interroger sur le jugement de celui qui insulte Allah, son messager ou la religion, avec le détail sur la question, car il y a des gens qui ont mis comme fatwa que celui qui fait cela, à partir du moment où il fait salat, cela ne le rend pas apostat. mais qui est un fasiq, mais que ce n'est pas un kafir. Donc là, le shir répondit également globalement que cela est une chose surprenante, étonnante. Nous sommes dans une époque surprenante. Qu'une personne, un mufti, puisse se permettre de donner de telles fatwas. Que celui qui accepte Allah et son messager, et la religion de l'islam, s'il fait salat, cela ne sort pas de l'islam. Cela est une chose ahurissante. Donc le shir fut surpris de cette question, et surtout de la réaction de celui qui a mis cette fatwa. Et il sait qu'il y a unanimité, que toute personne qui accepte Allah, ainsi que la religion, ainsi que son messager sallallahu alayhi wa sallam, a mécru. Unanimité des savants sur cela. Et que cette fatwa est complètement fausse. Également, Shirif Ozen, hafizallahu ta'ala, fut interrogé sur une personne qui douterait de la mécréance de celui qui aura insulté Allah ou son messager ou la religion de l'islam. Faqal, la yashuk muslimun yu'minu billahi wal yawmil akhir anna man saba Allah wa rasulah annahu kafir murtadun an din al-islam fa in shakka fa innahu mithluh الذي يشك في ردة هذا فهو مثله وقال سبحانه وتعالى قل أبالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم. Donc il dit que celui qui doute qu'un musulman qui croit en Allah au jour dernier ne peut pas douter un instant que celui qui insulte Allah et son messager est un apostat. Et si jamais il doute, le simple fait de douter, cela le rend comme lui. C'est-à-dire lui-même devient mécréant pour ce simple doute. Et ensuite, il citait le verset de la moquerie envers la religion, également. Donc de là, c'est un sujet très important qu'il faut apprendre aux enfants. Le chien l'a mis dans son livre, que toute personne qui se moque de la religion, cela est de la mécréance. Si c'est un musulman d'origine, il sort de l'islam. Et si c'est un kafir, cela confirme encore plus sa mécréance. Et qu'on n'a pas à le défendre. Et qu'on n'a pas à s'apitoyer sur son sort s'il lui en suivi, s'il en subit des conséquences par la suite. D'accord? On peut blâmer l'acte, mais on ne blâme pas le fait que cet homme soit mort. En disant que, en lui faisant ses condoléances, ainsi qu'à sa famille, même si ce sont des mécréants, et après sortir manifester contre ceux qui l'auraient tué. Cela n'est pas permis. À la base, sortir en manifestation, cela n'est pas permis. Les manifestations en soi ne sont pas permises. Alors que dire de manifester pour un mécréant qui aura offensé la religion de l'islam? Bel yastahik al-la'na. Il mérite d'être maudit. Par tous les musulmans. Voilà, là, il a trouvé le hadith. Mustalah minun, une personne dont on se repose du mal. Et on n'a pas douté une seconde que cet homme-là est parmi les minel khalidina finnar, parmi les gens qui sont au feu éternellement. Naam. Donc attention à ce genre de choses, ne pas se faire avoir. Et nas'alallah an yafou an ikhwanna allazina lubisa alayhim fi zalika tilka alqadiya, que Allah pardonne à ceux qui ont été dupés dans cette affaire et qui ont pris compassion et tristesse pour ces criminels mécréants. Et impureté, et aujourd'hui, damnés, pour ce qu'ils ont fait. On n'a pas à être triste pour ce qui leur est arrivé. On a à être triste pour ce qui arrive à la communauté dans son ensemble. Comme mauvaise conséquence. Comme nuisance. Cependant, on n'a pas à être triste du fait que ces gens-là aient été tués. Cela n'a pas lieu. Et encore moins dire, je suis Charlie. Je suis autre chose. Et nous répétons également que les actes de ce genre, en islam, attentats, actes terroristes, tuerie, barbarisme, ce genre de choses et vandalisme sont blâmés. Ils ne sont pas permis. Donc la mas'ala aujourd'hui, c'était le jugement sur celui qui insulte Allah ou son messager ou la religion de l'islam, que cela est de la mécréance majeure. Kufr Akbar. Cela le sort de l'islam et cela lui fait mériter la peine de mort. Par la main du gouverneur. Par décret du gouverneur. Naam. Fabien Dalkod en Aktafi ou Nakoul. الحمد لله رب العالمين مع تحية دمام افاق.com